1, 2, 3, 4. Hey, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de La Folie Chocaille, numéro 10. Yes, sir. On est un vendredi. Vendredi 20 juillet. Nous sommes durant mes vacances. Avoir gardé, je ne serais pas au courant. C'est cela. Ah, aujourd'hui, avant-hier, j'ai acheté plein de CD. Je vais en faire jouer quelques-uns. C'est de la bonne musique. Et puis, on est heureux. Je vais y aller tout de suite avec un esti de groupe que ça fait longtemps que je cherchais et que là, une couple d'années, j'ai commandé. Une année plus tard, ça m'a pris un an à le recevoir. Puis je l'ai reçu. Je suis allé voir en show. Et puis, c'était vraiment bon. C'est Holden. Je vais y aller avec la folie. Non, pas la folie. La colère. La colère des imbéciles. C'est très bon. Bonne émotion. J'ai couru des jours entiers pour lui échapper, mais on ne peut pas fuir la colère des imbéciles. Perdre la tête, j'ai abusé des somnifères, la colère des imbéciles m'empêche de dormir. Elle enflamme les campagnes, elle a gagné les montagnes, elle se répand dans les villes. La colère des imbéciles qui s'exhibent sur la place publique en ce jour de printemps. Elle empoisonne mes rêves, je sais qu'elle me guette, car je suis la prochaine cible de la colère des imbéciles. We'll be right back. Hey! Salut vous autres! Ouais, j'ai décidé de prendre un CD de Nurse Sweet UND! Puis de le mettre entre les tunes. C'est un concept, mais non, mais c'est juste parce que les tunes sont pas assez cool pour les faire jouer, mais comme vous les connaissez toutes, c'est correct. Vous allez. Ah, c'est ça que je connais, t'sais. J'ai entendu ça à la radio, ça a passé l'autre fois, Nurse Sweet UND! la colère des imbéciles, c'est bon, ça me semble que c'était bon. Mais ça a été assez bon que j'attende longtemps de l'acheter, tu sais. Ben, pas attendre longtemps, mais je l'ai acheté, mais ça a pris longtemps avant que je l'ai. Hey, qu'est-ce qui se passe, le style de mois de juillet à marde? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, le réchauffement de la planète, c'est pas cette année. C'était l'année passée. Fait que là, j'ai un CD dans mes mains. Avec des dessins. Des dessins, bon. Fait que je vais essayer de me débrouiller pour en trouver un là-dedans. Fait que c'est une compile, je l'ai fait pour toi. La compile, je l'ai fait pour toi d'une gang. Moi. Where am I record? C'est Where am I record qui fait un chant. J'aime mon accent quand il y a trop de W dans la même phrase. Il y en a juste un, là, mais... Ouais! C'est ça. J'allais faire du camping en fin de semaine. Fait que je passe une toune. Salut. Thank you. Ouais, j'en ai trouvé une dans le tas. J'ai mis Nara. Carence désordonnée du flâneur. Je l'ai fait pour toi dans la compile. Il y avait plein d'affaires là-dedans, mais je traite pas ces compiles. C'est poche, les compiles, tu sais. Une tonne après l'autre. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. C'est dur. Mais j'ai un autre compile. Mais ça fait partie de My Hour Record. Where Are My Record? De Where Are My Record, c'est ça l'étiquette. Un autre compile qu'ils l'ont fait juste après. Mais j'en ai 3-4 compiles de même. C'est juste qu'ils ont pas tout le temps les mêmes. Je l'ai mis par ordre d'artiste, mais là, tu sais, c'est Je t'aime. Et c'est le nom de la compile. Il n'y a pas d'artiste. C'est Je t'aime, je l'ai mis dans les J. Je suis dans les J. Tantôt, j'ai passé un H. C'était le dernier H que j'avais oublié. J'avais dit dans le 9. Hey, je vais passer du Holden. J'en ai passé du Holden. Mais j'en ai deux styles d'artistes qui s'appellent Holden. Il y a James Holden puis le groupe Holden français. Avec la colère des imbéciles. Ouais, ben, fait que j'ai continué. Fait qu'il y a des J. J'en ai un paquet de J. C'est le fun. J'ai du Jérôme Minière aussi tantôt, puis du Jessica Bailiff, puis du Justice. Ça, c'est quelque chose. Justice. Après ça, j'ai du K. Puis je vais mettre un astuce de CD de Brigitte Fontaine que j'aime. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah, j'ai acheté un CD de Brigitte Fontaine, je l'aime. Là, je vais passer du Je t'aime, je l'aime, avec la toune Rick White, avec la titre. Le titre de la toune, c'est Fact. Fact, c'est ça. Fact, c'est fun fact. Fact. Il est jeu vendredi soir à 10h. Le 10h. Hey, vendredi soir à 10h, je fais ça. Si j'aurais d'autres choses à faire, je le ferais, mais je fais ça. Ouais. Fait que bon fact. Chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, ch Oui, bonjour. Ici Benoît. C'est Benoît mon nom? Oui, c'est Benoît. Moi. Alors, on écoutait du... On écoutait la compil Je t'aime avec Rick White et la toune Fact. Là, j'ai du Jérôme Minière. Ça fait longtemps que j'ai ça. Très longtemps. Très longtemps. J'avais à peu près 23-24 ans quand j'ai acheté ça. C'était bon, ça passait à CISM souvent, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas aimer ça? Fait que c'est merveilleux comme ça. J'ai passé ça. Oui, et j'ai pas beaucoup de commentaires sur cette émission-là. Ouf. Si j'ai pas acheté rien, là, je suis pas la mode de ce temps-ci, j'étais en vacances, je suis pas choqué, pas en tout. Ouf, c'est la folie tranquille. Ouais, ouais. Je me suis même fait couper les cheveux. Puis j'ai tiré du gun à patates toute la fin de semaine. Asti que c'est drôle, tirer des patates avec un gun à patates. Enfin. Là, je mets de Jérôme Minière, c'est merveilleux comme ça pour toi, mon petit gars. Puis là-dedans, ils disent qu'il faut toucher le oui-oui des femmes pour un oui puis pour un non. C'était un conseil, ça. We'll be right back. comme ça, c'est affreux, c'est merveilleux. Joulupukki, joulupukki, valkaparta, vanha ukki. Pietä iltaa joukossamme, täällä meidän riemunamme. Tervetullut meille aina, käypä tänne puuta paina. Tai jos leikkiin taida tulla, kahta hauskempaa on sulla. Oui, c'était Nurse with Hound, le secte Orange, la toune qui fait peur. Ça fait peur. Je sais pas si ça fait peur, ça fait awkward. C'est Rifta Sings for the World, la pièce. Et puis, c'est cool ce CD-là. Il n'y a pas de toune, non, mais ben, c'est des tounes de même, tout le long. Je m'en sers pour faire peur au monde. Mais non. Puis avant ça, c'était Jérôme Minière. C'est merveilleux comme ça, mon petit gars. Ben, c'est merveilleux comme ça, tout court. C'est merveilleux, tout court. Merveilleux. Merveilleux. Non, non. C'est merveilleux comme ça, point. Point MP3. Hey, je vais repasser une tonne de Brigitte Fontaine. C'est cool. Moi, j'ai acheté un nouveau CD. C'est Libido. C'est ça. Et ouais, ça, j'ai arrêté. Je dirais plus rien. La dernière fois, j'ai dit qu'il était frippé, qu'il était alcoolique, qu'il était laide. Pouf! C'est pas mal d'insultes pour rien parce que je l'aime tellement. Puis c'est cool quand t'achètes ton CD, là, il y a une bande dessinée dans le livret. Ouais. Brigitte Fontaine. Ben, en tout cas, je vais arrêter de lire. Je vais faire. C'est ça. Ouais, c'est ça, je vais mettre la toune. J'ai oublié que j'allais faire. Pff, pas drôle de parler puis penser en même temps. Fin. Après ça, je vais remettre la bonne musique. Non, c'en est ça. C'est tout le temps de la bonne musique, ça. Ouais. J'espace un peu le temps, là. Ben, sans ça, Chris, je vois rien que passer de la musique. Un tiers de vacances de passé, il m'en reste deux tiers. Ça passe vite en si beau. Ouais. Bonne chanson de musique. Elvire est une enfant sans un pouce de graisse, comme un adolescent de l'Égypte ou de Grèce, mâchant du chewing-gum, les jambes écartées, buvant du coca-rum au comptoir des cafés. Nous avons pris d'assaut son château intérieur. C'était un château d'eau, fruit de mer, jolies fleurs, cygnes et nénuphars, crevettes, cormorants, petits bateaux et phares, chalets nains d'estivants. Château, bateau, coulis, ruisseau, château, gâteau, glace au coco. Château, bateau, coulis, ruisseau, château, gâteau, glace au coco. Le duvet d'or très fin, dévoilé par son string, fait kiffer les gamins et les vieux encore swing. Elvire n'en a cure, elle aime ses copines, les profs belles et mûres et l'espiègle voisine. Tribade de 12 ans, elle lèche les fruits, rouge de ses amantes quand tombe la nuit. Elle a pris la voie longue, humide et alchimique. Elle est bien dans ses tongs et ses jeux aquatiques. Château, bateau, coulis, ruisseau, château, gâteau, glace au coco. Château, bateau, coulis, ruisseau, château, gâteau, glace au coco. encore un petit bout de Nursery Tuned. Nursery Wound. Nursery Tuned. Brigitte Fontaine avec la toune. C'était Elvire. Une toune tranquille. Je sais pas, je l'aime ce CD-là. Des tounes tranquilles, mais tu sais, tout ensemble, le CD au complet, là, ça, on se pose pas de questions. Puis on se dit, ouais, j'ai pas regretté de l'acheter. C'est ça que j'ai dit. Mais je viens de le dire, j'avais pas dit tantôt, là, je viens de le dire, fait que c'est un fait. Posthume. Posthume. J'ai pas de café, est-ce que... Bon, là, je pense à ce que je dis après l'avoir dit, puis je me dis, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, tu sais, quand on passe une toune, une couple de tounes, puis là, je me suis dit que j'ai deux hosties, les prochaines, là, c'est deux tounes de la mort. Les deux tounes de l'émission, c'est sûr. Ah non, c'est vraiment écœurant. Là, je mets du Jessica Bailiff, Pressing, c'est bon. En Chris, te, pis ça, ouais, tabou du pâme. Oh, regarde, c'est presque impossible qu'on n'aime pas ça. C'est trop bon. Wow. Tranquille, là. Mais bon. Et, oui. J'ai aussi acheté quelque chose la cette semaine de... Bon. Oui, je me suis fait couper les cheveux, puis je suis revenu avec un CD de Justice. Ouais, j'allais me faire couper les cheveux à côté du Automart. Allez là, chez K.A. Coiffure. C'est du bon monde. Ils prennent soin de vous autres. Et... Enfin. Puis, j'ai amené un CD Justice. C'est du électro. Puis après ça, je me suis dit que j'avais perdu mon CD de Adult. Ben, je l'ai retrouvé. Ben, tu sais, la fois, j'avais perdu mon CD d'Adult, là. Ben, c'était pas vrai. Il était à bonne place. Il était parfait. Il était en plein dans en ordre alphabétique. Tout le kit. Je suis aveugle. C'était incroyable. Là, je demande à tout le monde, as-tu vu mon CD d'adulte? As-tu vu mon... Tu sais, une chance, ils sont pas venus voir. Je me serais... Ah, shit. En tout cas, je me serais fait dire, Chris, t'es aveugle, mais là, je viens de le dire avant tout le monde. Ça revient au même. Justice, c'est du électro, ça brasse. Une place, si tu allais dans un club, là, puis mettrais ça, j'irais plus souvent, tu sais. Mais ils mettent pas ça. Justice. C'est incroyable. Tu vas au magasin de disques, t'achètes un CD de même, bang, puis tu te pognes avec la musique de même, tu sais, c'est écœurant. Là, Chris, c'est quasiment un CD de l'année. Il a fallu que je coupe un fade out, un fade in, un fade. Parce que ça continuait de même après l'autre, une après l'autre, puis tu sais, c'est. T'as un CD là, t'écoutes d'une shot, tout est mixé, ben c'est fait de même, ça doit être un genre de DJ. Bon, ça a l'air de ça, hein? En tout cas, c'est ça, là. Je le savais d'avance. Ouf! Mais ouais, là, c'est une crise de tout ça, puis Jessica Bailiff, là, un après l'autre, là. Et là, je vais mettre de quoi d'autre, tu sais, ça, j'avais perdu mon CD d'Adult, je l'ai retrouvé. Je l'avais pas perdu. Alors, je vais le mettre. C'était... j'aurais dû le mettre dans les A parce que c'est Adult. Sur le CD Anxiety Always. Always. Anxiety Always. C'est des Allemandes, c'est nerf. Ouais. C'est un peu comme... c'est comme un peu inspiré de Peach puis de l'autre, là. Ben, c'est un peu Peach. Avec les... C'est du post-punk, c'est nerf, puis c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Bonne écoute à Anxiety Always. Un autre électro dans le style de tantôt, mais allemand. C'est plus post-punk que. C'est ça. We'll be right back. c'était c'était Adult avec la tune Nothing of the Kind. Puis là, je vais passer du Joanna Newsom, que je pense qui est un de ses meilleurs, un des meilleures affaires qu'on ne veut pas acheter en 1900-2006. Ça, c'est toute une date, ça, à se rappeler. 1900-2006. C'est beaucoup de mots dans un chiffre. Ouais, c'est l'album YS. Joanna Newsom qui a fait un autre EP avec les tunes reprises, mais encore plus refaite comme elle voulait, je suis sûr, j'imagine. Et puis, c'est bon, mais je ne l'ai pas encore acheté, Cal. Ben, peut-être un jour. Un jour, peut-être que je. Ouais. Ben, je vais mettre la tune Cosmia, je l'aime bien gros, puis elle dure longtemps, mais c'est pas grave, elle vaut la peine d'être écoutée. Ben, je vais dire ça, je pense, à toutes les calices de tunes, même les poches. Ça vaut toujours la peine d'être écouté. Ouais. Asti a fait mauvais, Asti, rien à faire. Je suis allé voir les Transformers, c'est pas bon, pas en tout, Asti. Tu sais, c'est bon parce que t'as des effets spéciaux, tes voix en vrai, toute la kit, mais là, c'est un film qu'on va voir, là. C'est pas un démo de 3D. Comme on avait dans les années 90 avec nos ordinateurs, avec du 320x200, avec 16 couleurs, là, non, tu sais, parce que avec nos 386, on tripait là-dessus, on n'avait rien d'autre à faire, l'Internet n'existait pas, on avait des modems 2400 bauds, ouais, tu sais, on allait ces BBS avec ça, puis c'était du ANSI. C'était beau du ANSI, on pouvait faire un paquet d'affaires avec ça, c'est le fun, parce que dans ce temps-là, avec du ANSI, quand tu réussissais à faire de quoi de beau, c'était beau en crise, mais je dis c'était laid. Mais je veux dire, quand tu réussissais à faire de quoi de beau avec quelque chose de laid de même, là, t'étais fier. C'est ça. Incroyable. Fait que let's go Cosmia avec une fin de l'émission numéro 10. Hey, j'ai passé le cap des 10, t'as boire. Donc là, il va y avoir un 0 de moins dans mon titre. Ça va être un 1. Ben, il va y avoir un 0. Non, il va y avoir autant de 0. Il va juste qu'il va en avoir un à la fin. Mais la prochaine émission, il va y avoir un 0 de moins. C'est ça. Mais quand tu as un 0 de moins, ça veut dire que c'est meilleur. Parce que quand tu as des 0, c'est pas bon. Quand que mon prof, il me disait que j'avais 0, c'était pas bon. Il y en avait un cave. Un hostie de prof épais, là. Qui disait que j'avais eu des roues de bicycle. Faut-tu être cave? Parlant de prof cave, est-ce que j'en ai eu des profs cave? Pouf! J'en avais un, là, j'ai quasiment le goût de le nommer. C'était un prof d'anglais, là, puis il était agressif. Puis il avait raison d'être agressif, hein? Parce que, en plus, c'était pas la meilleure année, c'était une année très difficile. Nous autres, on était très durs. C'était en secondaire 1. On avait 12 ans. On arrivait à l'école secondaire. Là, on était tous peureux. Puis il vient nous mettre ce calice de singe-là d'en face. Un esti de prof cave. Esti. Il nous gueulait après tout le temps. On faisait rien. On avait peur. On avait toute la chienne, même le gros tough. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et Cosmia est une fin d'émission. Puis elle va dépasser, j'imagine. Bye bye. Rose petals, red brown circles, frame your eyes and stain your knuckles. cause. And all those lonely nights down by the river brought me bread and water, water in. But though I tried so hard, my little darling, I couldn't keep the night from coming in. And all those lonely nights down by the river brought me bread and water, a kiss in the can. Now in the quiet hour when I am sleeping, I cannot keep the night from coming in. Come